إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 48 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Iqtida, ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc on est à la page aujourd'hui 344. Le passage numéro 183 et le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit wa laysa hadha al-kalam min khasa'is hadhihi al-mas'ala bal huwa warid fi kulli munkar qad akhbara as-sadiq bi wuqu'ihi. Donc tout ce qu'on a dit par rapport à l'interdiction de la ressemblance avec le kuffar et qu'on a dit par exemple que le fait de connaître cette interdiction là avec le cœur, même si on sait que les gens, lorsqu'on va leur mentionner ça, ils vont pas nécessairement le mettre en application. Le simple fait de le savoir, c'est quelque chose qui est mieux que de l'ignorer. Et on a mentionné des raisons pour lesquelles c'est mieux de le savoir, même si on l'applique pas, que de l'ignorer d'agir sans connaissance. Et on a donné des explications de ça au dernier cours. Donc le cheikh il dit, et ça, qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport à ça, l'importance de la connaissance et le fait que c'est mieux de savoir, même si quelqu'un par exemple il le sait mais il ne l'applique pas, c'est mieux de le savoir pour lui, pour différentes raisons, ça s'applique pas seulement à la question de l'interdiction de l'imitation des koufars, ça s'applique en réalité à tout ce qui est mauvais. Il y en a à tout ce qui est haram. Et j'avais donné aussi un exemple au dernier cours par rapport à la connaissance du fait qu'il est interdit pour les musulmans de quitter les pays musulmans pour aller s'installer définitivement chez les koufars et vivre chez eux de façon définitive pour devenir des citoyens, puis pour prendre leur citoyenneté ou leur nationalité ou des choses de ce genre. On a mentionné un exemple avec ça. C'est le cas que beaucoup de musulmans ignorent le verdict à ce sujet-là. Et le fait qu'ils l'ignorent, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux tombent dans le péché. Maintenant, certains souhaiteraient qu'on ne mentionne pas aux musulmans le verdict au sujet de ces choses-là parce que, en voulant dire, non, il ne faut pas leur dire parce que ça va leur créer des conflits. Hein, en eux-mêmes, si tu leur mentionnes le verdict au sujet de l'interdiction pour les musulmans de s'installer et de vivre chez le koufar et de prendre la nationalité des koufars et ainsi de suite, c'est sûr que pour eux ça va comme créer en eux des troubles ou bien des conflits ou bien des problèmes, ils vont pas se sentir bien, donc c'est mieux de pas le dire. Et en réalité, si tu penses de cette manière-là, en fait, c'est comme si tu dis il faut cacher aux musulmans la vérité sur les verdicts de la charia d'Allah par rapport à des choses qui sont pourtant très très importantes pour eux de savoir. Et donc, on peut pas se taire ou cacher ces informations-là par rapport à, aux informations de l'islam, parce que yani, le fait que les musulmans ignorent le verdict au sujet de ces choses-là, bien, ça fait en sorte que par la suite, justement, ils vont tomber encore plus dans des péchés et encore plus dans des problèmes. Tandis que si on leur donne l'information et on leur donne les preuves et on leur donne la, la clarification, et que par la suite ils décident quand même de venir chez les koufars ou bien de rester chez eux par la suite, on ne sait jamais quand même qu'est-ce que cette connaissance-là peut faire dans leur cœur. Peut-être qu'avec le temps, ils vont demander pardon à Allah. Peut-être avec le temps, le fait qu'ils savent cette connaissance-là, peut-être que ça va faire en sorte qu'ils vont au moins souhaiter, hein, ou avoir l'intention de quitter. Peut-être qu'en leur mentionnant cette chose-là, au moins, le minimum, si jamais ils ne changent pas, ou si jamais ils n'agissent pas selon cette connaissance, mais au moins, on a établi la preuve contre eux. Et nous, au jugement dernier, comme ça, quelqu'un ne peut pas dire « Ah oui, mais je ne savais pas. Hein? » Donc tout ça, c'est des exemples importants à ce sujet-là. Donc le cheikh, il dit, ce n'est pas spécifique à la question de l'interdiction de d'imiter les koufars, mais c'est, ça s'applique à toute question qui rentre dans ce qui est « munkar » et dans ce qui est mauvais. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné l'information que ça allait se produire. Maintenant, il dit ensuite, dans le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit « يعني أن هذا الكلام الذي ذكره من أنه لا بد من البيان ولا بد من الإبلاغ ليس خاصا بالنهي عن التشبه بالأمم الماضية فحسب ولكنه عام في كل المناهي والمنكرات حتى ولو كثرت وعمت فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيان لأن في مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكما كثيرة منها أولا أن هذا فيه إبراء للذمة وإبلاغ للعلم والله أخذ على العلماء أن يبلغوا ولا يكتموا العلم وثانيا لعل الغافل ينتبه والناس يتذكر وثالثا لربما جاء بعد هذه الأقوام والأجيال من يأخذ بهذا العلم ويستفيد منه. Donc le cheikh, il dit que cette parole que on a mentionnée, c'est quelque chose qui est nécessaire de mentionner. Il faut absolument le clarifier et il faut yani comprendre également que la transmission de cette interdiction-là, d'imiter les koufars, eh bien, c'est pas spécifique, c'est-à-dire l'obligation de transmettre cette les interdictions, c'est pas spécifique à l'interdiction de ressembler aux koufars parmi les nations qui ont précédé seulement, mais c'est quelque chose qui est général dans par rapport à tout ce qui est interdit et par rapport à toutes les mauvaises choses. Même si les choses mauvaises ou les choses interdites sont répandues de façon générale dans la société et que c'est devenu quelque chose de très grand, hein, très nombreux, et qu'on en retrouve beaucoup d'exemples de péchés et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de péchés dans la société, il y en a tellement en grande quantité, que les gens disent, mais ça sert à rien de le dire. Ça sert à rien de mentionner que c'est haram, ou de dire aux gens de pas le faire. Parce que, il y a trop de péchés. Il y a trop de gens qui font le péché. Donc, ça sert à rien de le dire, ça sert à rien d'en parler. Et allez, laissez les choses comme telles qu'elles, et laissez les choses avancer telles qu'elles sont. On a parlé de ça au dernier cours. Et donc, le cheikh il dit non, même s'il y a beaucoup de gens qui font le péché, même s'il y a beaucoup de ce péché-là, et même si c'est partout dans la société, et même si c'est en grande quantité, même si c'est généralisé, il faut quand même expliquer et clarifier et mentionner que cette chose qu'ils font, par exemple, ça c'est haram ou que c'est mauvais. Par exemple, dans certains pays, dans certaines villes, dans certaines sociétés, il y a des choses qui sont devenues tellement répandues que les gens pensent que c'est devenu correct, que c'est devenu halal. Donc les gens disent, Mais si je viens et que je dis aux gens, qu'est-ce que vous faites là, c'est haram, les gens vont tous ils vont tous se mettre contre moi, ils vont tous m'insulter, ils vont me traiter de nom, ils vont dire que je suis un extrémiste ou que je commence à exagérer ou des choses de ce genre, alors que c'est quelque chose qui est clairement interdit dans l'islam. Donc il ne faut pas s'en faire avec ça ou avec qu'est-ce que les gens vont dire ou penser. L'important, c'est de transmettre la vérité et de le faire connaître aux gens avec sagesse, avec science et avec patience aussi. Donc le cheikh, il dit ensuite qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir que les gens vont être guidés. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, les gens sont désespérés et ils disent, ça y est, les gens sont fous, la société est complètement perdue. Puis les gens sont complètement égarés et puis il n'y a plus personne qui va être guidé, plus personne qui va être sauvé parce que les gens sont complètement dans l'égarement, puis dans les ténèbres et la noirceur. Donc ça ne sert même plus à rien de leur parler. Et le cheikh, il dit non, il ne faut pas que ça nous amène au désespoir, il ne faut pas que ça nous amène à perdre l'espoir en l'importance de clarifier et de transmettre la vérité, et il ne faut pas que ça nous empêche de clarifier et d'expliquer la vérité aux gens. Il dit, parce que quand on continue à ordonner le bien et quand on continue à interdire le mal, il y a dans ça beaucoup de sagesse. Et il a mentionné quelques exemples, il a mentionné trois points ici, parmi les exemples qu'on a mentionnés dans le cours précédent. Il dit, premièrement, quand on clarifie le verdict au sujet de quelque chose et qu'on ordonne le bien et qu'on interdit le mal, première chose, premier bienfait là-dedans, la première sagesse là-dedans, c'est que c'est comme si tu retirais de toi-même cette responsabilité-là. Puisque tu as rempli ton devoir, tu as transmis la science aux gens. Donc, par la suite, disons que tu es, comme on dit, déchargé, dans le sens que t'as plus ce poids-là contre toi, tu vois. Exactement. Cette responsabilité, tu l'as fait. Donc, quelqu'un ne peut pas te blâmer par la suite du fait que tu n'as pas parlé, puisque tu l'as transmis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris un engagement avec les ulama, avec les prophètes et avec les ulama, qu'ils ont comme devoir et comme responsabilité, comme obligation de transmettre la science aux hommes et de ne jamais la cacher. Donc cacher la science, c'est interdit, et c'est pas permis de le faire. Deuxièmement, il dit que c'est possible que la personne qui est insouciante ou indifférente, lorsque tu lui rappelles, elle prend attention à ce que tu lui dis, puis elle commence à changer. Et la personne qui avait oublié l'information, lorsque tu lui rementionnes cette information-là, elle se souvient et elle commence à se rappeler de ça, puis elle change. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Et troisièmement, la rubbama jaa ba'da hadhihi al-aqwam wal-ajyal man ya'khudh bi hadha al-'ilm wa yastafid minhu. Il dit que c'est possible que si cette personne, cette génération-là, de ces gens-là à qui tu parles, peut-être que eux, cette génération, peut-être qu'elle, elle ne veut pas prendre, elle ne veut pas accepter. Mais c'est possible que derrière cette génération-là, il y a une autre génération qui arrive par la suite et qui, elle, accepte cette science et en profite. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir. C'est comme l'exemple qui est mentionné dans le Sirah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taif et qu'il a appelé les gens à l'islam, puis il s'est fait chasser par les enfants et les esclaves qui lui lançaient des pierres. Et il est sorti de là-bas avec les pieds en sang. Et quand quand les anges sont venus et ont dit, est-ce que tu veux que j'écrase ce peuple-là avec ces deux montagnes, entre les montagnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est possible que après une autre génération de ce peuple-là soit croyant et accepte la vérité. Donc c'est possible que dans la progéniture de ces gens-là, il y aura des enfants qui vont naître et qui vont croire en Allah. Donc il a interdit, il a refusé que ce peuple-là soit châtié de cette façon. Tu t'en vas? طيب خير ان شاء الله جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Il dit ensuite ومما يدل من الشيخ الاسلام ابن تيميه il dit ومما يدل من القران على النهي عن مشابهه الكفار قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. قال قتاده وغيره كانت اليهود تقول استهزاء تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك يستهزئون بذلك. وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود يقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكرهه الله فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء وكانت لغة الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه ارعني سمعك فنوه عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. وهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة. ولما كانت مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique ici un point aussi qui est très important. Il mentionne une autre preuve. Parmi les preuves, de l'interdiction d'imiter les kuffars. Et il cite à ce sujet le verset 104. Le verset 104 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui croyez, ne dites pas « Ra'ina hein? »« Walakin qulu hein? Walakin unzurna hein? »« La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wa sma'u » Donc c'est ça. « Ô vous qui croyez, ne dites pas « Ra'ina » mais dites « Unzurna » et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. » Maintenant, Cheikh al-Islam il explique la raison pourquoi ce verset a été révélé et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de dire le mot ra'ina. Donc il dit que c'est rapporté selon Qatada et d'autres également parmi les ulama de tafsir qui ont dit que les juifs disaient ra'ina mais dans leur langue en hébreu c'était une moquerie, en fait c'était une insulte, c'est comme une mauvaise parole pour eux. Et donc eux ils disaient ra'ina pour se moquer des musulmans, pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a détesté, oui, il n'a pas aimé que les croyants disent la même chose qu'eux. Alors il leur a interdit de dire ra'ina et il leur a dit de dire à la place une autre parole qui a la même signification mais qui n'a pas ce sens mauvais ou négatif. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les juifs disaient Ra'ina, les arabes aussi disaient Ra'ina. Mais pour les juifs, le mot Ra'ina signifie une chose mauvaise, hein, une insulte ou une moquerie. Tandis que les arabes, eux, le disaient dans le sens Ra'ina, c'est-à-dire porte-nous attention, écoute-nous, regarde-nous, dans ce sens-là. D'accord? Mais étant donné que le terme Ra'ina était devenu ambigu à cause de ça, il pouvait avoir une signification bonne comme il pouvait avoir une signification mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'utiliser ce terme qui peut impliquer quelque chose de bon et quelque chose de mauvais en même temps, mais il nous a ordonné d'employer des termes qui sont clairs et qu'on peut savoir que ça n'a qu'un seul sens et que ça ne peut être que bon. Donc d'autres exemples d'explications des ulama au sujet de la signification de ce verset-là, il dit que le terme ra'ina, les juifs le disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'ina sam'ak. Et ils disaient ça pour se moquer. Hein? Et pour les juifs, c'était quelque chose de laid. Hein? Ra'ina, c'était quelque chose comme une insulte. Et l'imam Ahmad a rapporté selon Atiyah que certains des juifs, il y a des gens qui venaient parmi les juifs et ils disaient Ra'ina sam'ak. Et à force de le répéter à chaque fois, les musulmans ont commencé à le répéter eux aussi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a détesté que des musulmans disent ce que disaient les juifs. Et il a dit que Atta, un autre parmi les ulama de tafsir, parmi les salafs, il disait que c'était également, ça faisait partie de la langue des Ansar avant l'islam, dans la Jahiliya. Ils disaient ça eux aussi. Ils disaient Ra'ina. Et Abu al-Aliya, un autre parmi les ulama de tafsir, parmi les ulama des salafs, il disait, il a expliqué que les mushrikines, parmi les arabes, lorsqu'ils se parlaient les uns les autres, ils utilisaient le terme ra'ina. Ils disaient ar'ini sam'ak. Puis, par la suite, donc, dans ce verset, Allah leur a interdit de dire ça. Et également, ad-dahak, un autre parmi les ulama des salafs, il disait que tout ça clarifie que la parole ra'ina, elle a été interdite aux musulmans. Hein? Donc, Cheikh l'Islam, il explique ça. Il dit, cette parole, elle a été interdite aux musulmans. Les musulmans ont été interdits de le dire parce que les juifs le disaient. Et parce que, pour les juifs, dans leur langue, c'était quelque chose qui était laid. Mais pour les musulmans, ce n'était pas une parole qui était laide. Mais, étant donné qu'il y avait une sorte d'ambiguïté dans le terme, eh bien, on a été interdit de leur ressembler dans leur façon de parler et dans les mots, hein, dans les mots qu'ils utilisent pour éviter justement de leur ressembler. Et donc, pour ne pas qu'ils puissent atteindre leur objectif, justement. Pardon? Dans l'arabe classique, comme les arabes, eux, quand ils le disaient, ça voulait dire, regarde-nous, porte-nous attention, écoute-nous. Hein, donne-nous ton oreille ou ton écoute. Tandis que les juifs, eux, le disaient dans leur langue à eux, ça voulait dire une insulte. Tu comprends? Donc c'est ça. Et donc ils utilisaient le fait que les arabes disaient le même mot dans la langue arabe pour justement insulter les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on utilise ce terme par la suite. Le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, قوله تعالى, راعنا أي أرعنا سمعك وأقبل علينا حتى تسمع منا ونفهم ما تقول. وهو من المراعة أو من الرعاية أو من الانتظار أو الإنذار. فالمقصود من هذه الكلمة الطلب من المخاطب أن يراعي المتكلم في أن يسمع كلامه وفي إجابته وإمهاله. وهذه في الأصل كلمة لا بأس في استعمالها، لكن اليهود استخدموا هذه الكلمة وأرادوا بها معنى سيئا، حيث حولوها عن ظاهرها إلى معنى الرعونة، فقصدوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رعونة، فهو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بوصفه بالرعونة والخفة وعدم الاتزان. أي نعم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne dites pas ra'ina. Ra'ina qui signifie, يعني donne-nous ton écoute, hein? Donne-nous ton écoute, porte-nous attention, écoute qu'est-ce qu'on te dit. Et donc tourne-toi vers nous pour que tu entendes et que tu comprennes ce qu'on dit. Hein? Ou bien de, ça vient également de al-mura'a ou al-ri'aya, porter attention, donner attention à quelqu'un ou à quelque chose. Ou al-intidar, le fait d'attendre, ou y a des choses comme ça. Donc le but c'est de faire comprendre que tu demandes à la personne à qui tu t'adresses qu'elle t'écoute. Hein, qu'elle écoute ta parole. C'est ça le sens de cette de ce mot-là. Et à la base, le cheikh Al-Fawzan il dit à la base, il y a aucun mal d'utiliser cette parole-là ou de dire ce mot-là. Toutefois, les Juifs eux l'utilisaient et quand ils le disaient, ils voulaient dire par cette parole une signification mauvaise. Et ils ont donc changé le mot de son sens apparent pour lui donner un autre sens qui est ar-ru'una. Donc au lieu de ar-ra'iya ou ar-ri'aya, pardon, ils disaient eux dans le sens de ar-ru'una. Et donc ils voulaient dire ça à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le décrivant comme ayant ar-ru'una, c'est-à-dire quelqu'un qui est faible d'esprit ou qui est pas bien équilibré. Hein? Donc il dit fal khulasa anna kalimat ra'ina la ba'sa biha fil asl walakin lamma qasada al yahud bihadha al qasd al sayy biha al qasd al sayy nuhi al muslimuna an yaquluha سدا للذريعة ومنعا للتشبه بهم. Donc à la base c'était pas mal, il y a pas de problème avec le mot ra'ina, mais étant donné que les Juifs ont utilisé ce terme et qu'ils ont eu une mauvaise intention dans leur utilisation du mot, les musulmans ont été interdits de dire cette parole là dans le but de fermer la porte à l'insulte des musulmans et d'empêcher la ressemblance et l'imitation des kuffars. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu wa hadha kulluhu yubayyin anna hadhihi al-kalima nuhi al-muslimuna an qawliha yani nuhu an qawliha min bab sadd al-dhari'a sadd al-dhara'i' wa fal halal idha kana yufdi ila al-haram فإن الحلال يحرم أو يحرم سدا للذريعة والله جل وعلا أعطى البديل عن ذلك فقال وقول انظرنا وهذا فيه أن من نهي عن شيء وكان له بديل صالح فإنه يأتي بالبديل. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit, lorsque Cheikh al-Islam il dit à la suite de ces explications-là, qu'il explique que cette parole, les musulmans ont été interdits de la mentionner, il dit pourquoi ils ont été interdits de le mentionner, c'est à cause d'un principe de la charia qu'on appelle Sadd al-Zara'i'. Sadd al-Zara'i'. Qu'est-ce que ça veut dire Sadd al-Zara'i'? Hein? Sadd al-Zara'i'. Zara'i', c'est le pluriel de Zari'a. Donc, Zari'a, on utilise ce terme, c'est un principe très très connu dans la charia. Et il y a Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in qu'il y a plus que 99 preuves dans la charia pour supporter ce principe. Et il en énumère un grand nombre dans son livre, justement. Donc, Sadd al-Zari'a, ça veut dire, tu fermes la porte à quelque chose qui peut t'amener à quelque chose de haram. Donc, le cheikh, il explique, il dit, qu'est-ce qui est, si quelque chose est halal, mais que, en le faisant, ça va t'amener à tomber dans quelque chose qui est haram, alors, dans ce cas-là, cette chose qui est halal devient interdite pour fermer la porte et éviter de tomber dans le haram. Donc cette de zari'a, c'est un principe très très important dans la charia d'Allah, dans la religion d'Allah, et beaucoup de musulmans ils connaissent pas parce que des fois ils réalisent pas, ils disent bon ça c'est pas haram. Non, c'est pas haram en soi, mais la façon dont tu le vois, si tu le fais, ça amène à quelque chose de haram. Donc dans ce cas-là, ça devient haram en soi par la suite. À cause de ça, ça devient haram à cause de cette chose-là qui risque de te faire tomber dans le péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de dire ra'ina, mais il nous a donné une alternative dans le verset. Donc il nous a dit, au lieu de dire ra'ina, vous pouvez dire unzurna. Unzurna, c'est-à-dire regarde-nous, hein. Et il dit, il y a dans ça, donc lorsque quelque chose a été interdit et qu'on a une alternative qui est bonne, dans ce cas-là, on peut prendre l'alternative qui est permise. Et ça ne veut pas dire, comme certaines personnes, parfois, ils pensent que pour toute chose haram, il y a une alternative halal. Hein? Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrémisme ou l'exagération dans ces affaires-là. C'est comme ceux qui disent, ouais, mais Allah nous a interdit la musique. Donc eux, ils disent, bon, ben on a une alternative à la musique. Ils inventent une sorte de musique. Ils disent, ça c'est la musique islamique. Hein? Et les anachis. Donc ça c'est de la musique aussi. Donc c'est pas parce qu'on appelle ça islamique que ça devient halal. Hein? Le simple fait de dire que quelque chose est islamique, ça rend pas ça halal. C'est ça, les banques ou bien les. Il y a des femmes qui font maintenant du tabarruj islamique. C'est-à-dire, tu vois, elles montrent leur corps et elles prétendent que c'est islamique parce qu'elles portent des petits foulards qui cachent pas leur corps comme il faut, ou bien qui cachent seulement leurs cheveux. Il y a aussi, par exemple, maintenant il y a l'État islamique. Hein? C'est un État qui a rien à voir avec l'islam, mais parce que tu dis islamique avec le mot État, ils pensent que ça devient tout d'un coup un État islamique. Alors que c'est des khawarij, hein, qui tuent des gens et qui font du désordre sur la terre. Donc le fait que quelqu'un État s'appelle islamique ou se prétende islamique, ça ne veut pas dire qu'il est islamique. Il y a des États qui peuvent ne pas dire islamique, mais ils sont plus des États islamiques que ces États-là. Comme l'Arabie Saoudite, par exemple, on ne dit pas l'Islamia, Saoudia, mais c'est quand même un État islamique, hein? Même si on n'est pas d'accord, même si les Khawaris ne sont pas d'accord. Rien. Donc c'est ça, ce n'est pas le fait de s'appeler ou de se dire islamique que ça devient islamique automatiquement. Naam. Un point important aussi ensuite, le cheikh il dit وَالْحَاصِلُ الْمَنْعُ لِأَمْرَيْنِ. Donc il résume maintenant pourquoi ce terme-là a été interdit. Il dit الْحَاصِلُ وَحَاصِلُ الْمَنْعُ لِأَمْرَيْنِ. L'amr l'awwal, hein, juste comme pour vous donner un exemple aussi, hein, qui disent la démocratie islamique, et ils parlent de la shura. Hein, ils prétendent que ça c'est de la démocratie islamique. Et ils disent même, des fois quand ils parlent, ça c'est surtout parmi les Ikhwan, des fois les Hizbiyin, ils parlent au Kufar, ils disent l'islam c'est la vraie démocratie. Hein? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de mélange. Hein? Tu utilises des termes qui sont complètement contraires à l'islam, puis tu les utilises pour qualifier l'islam ou pour décrire l'islam. Donc tu fais une injustice à l'islam. Hein? Et donc c'est ça. Le cheikh il dit والحاصل المنع لأمرين. الأمر الأول التشبه بالكفار ولو باللفظ ونحن منهيون عن التشبه بهم. والثاني سد الذريعة المفتية إلى الحرام. فالتشبه بالكفار في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة تل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وقد شن الصحفيون وأصحاب الفكر المنحرف حربا شوعا على هذه القاعدة ويريدون إلغاءها. Le cheikh il dit deux choses qu'on peut tirer de qu'est-ce qu'on a mentionné, pourquoi le fait de dire ra'ina a été interdit. Il dit premièrement parce que c'est une imitation des kuffars. Hein? Donc on a été interdit d'imiter les kuffars, même dans les mots qu'on utilise. Hein? Même dans nos expressions, Et il dit, donc on n'a pas le droit de les imiter dans, ou de leur ressembler dans ces choses-là. Deuxièmement, le terme, ou plutôt le principe de Sadd al-Zari'a, c'est-à-dire de fermer la porte à qu'est-ce qui peut nous amener à qu'est-ce qui est haram. Même si la chose à la base elle est halal, mais si ça nous amène à tomber dans le haram, alors ça devient interdit. Le cheikh il dit, donc l'imitation des koufars, en apparence, ça indique qu'il y a un amour intérieur pour eux. Et la règle de l'interdiction de, ou bien de fermer la porte au, à qu'est-ce qui mène au haram, c'est une grande règle dans la charia. Cette dhara'a, c'est une grande règle parmi les règles de la charia qui est supportée, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a, Ibn al-Qayyim il a mentionné plus que 99 preuves dans la charia sur, qui supportent ce principe. Hein? Et il dit, c'est supporté par le Coran, par la sunna et par le consensus des salafs. Et il dit que les journalistes et les gens qui ont des pensées, des idées déviées à notre époque, ils ont fait une guerre sauvage contre ce principe de Sadd al-Zari'a. Et ils veulent l'annuler et l'abolir. Ils veulent abolir ce principe de la charia. Donc c'est pour ça, tu vois. Quand par exemple, les ulama de l'Arabie Saoudite, par exemple, ils ont interdit aux femmes de conduire. Par exemple. Et le principe que les ulama ont mentionné pour interdire la conduite, parce que la conduite de la voiture pour la femme, ce n'est pas interdit en soi. Hein? C'est permis. Mais les ulama ne l'ont pas interdit parce que c'est interdit en soi. Ils l'ont interdit pour éviter que ça amène à quelque chose qui est haram par la suite. Non, ce n'est pas la convoitée au volant. C'est toutes les conséquences de ce qui peut arriver par la suite. S'ils arrivent, c'est-à-dire, ils ont dit par exemple, supposons, parce que eux, c'est une société musulmane qui préserve les règles de l'islam, le hijab, et les règles de la famille, les règles de la pudeur, les règles de la. Hein? Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est une société aussi qui est une société tribale. Ok? Et si jamais par exemple, quelqu'un portait atteinte à leur femme ou à leur fille, ça pourrait commencer des guerres tribales, ça pourrait commencer des grands conflits, des grands problèmes. Hein? Donc quelqu'un par exemple dit bon, ma fille elle a été agressée ou harcelée par quelqu'un sur la route ou quelque part, puis c'est un tel de telle tribu qui a fait ça, bon ça y est. La guerre commence. Hein? Et c'est parce que, yani, c'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur de la tribu qui est attaquée en même temps. En tout cas, les koufars peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ont pas le sens de l'honneur. Tu vois? Donc pour eux, c'est comme, ça a pas de sens pour eux. Le sens de l'honneur dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il agresse ta sœur, ou il agresse ta mère, les koufars, ça leur dérange pas, ça. Hein? En général, ils laissent leur fille sortir avec des garçons, ils laissent même des garçons rentrer dans la chambre de leur fille, et ils se posent même pas la question, ou bien ils essaient même pas de comprendre le mal qu'il y a là-dedans. Non. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme ça. Donc, pour dire quand tu vas dire ah ben l'honneur, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut pas dire grand-chose, Yann. Ah ben c'est ça. Donc c'est pour dire tout ça, c'est des choses qui font partie des mauvais impacts, mauvaises influences de. Soit que c'est l'indifférence, ou bien soit que c'est l'ignorance, ou bien soit que c'est l'insouciance, hein? Al-rafla, comme on dit, quand on donne pas d'importance, on devient négligent, hein? Puis on se laisse aller. Donc c'est ça qui est un problème. En tout cas, on va continuer, Inch'Allah. Donc là, on a fini de parler de cet exemple-là. Mais sinon, hein, il faut pas penser que ça se limite uniquement à la parole ra'ina, qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'expression ra'ina quand on parle, mais ça peut être aussi toute autre parole ou mot que les koufars emploient qui ont une signification qui est mauvaise et que les musulmans parfois utilisent parce qu'ils pensent que ça veut dire quelque chose de bien. Oui, c'est ça. Des fois, par exemple, il y a certains jurons ou certains sacres que les koufars disent, et il y a des musulmans qui le répètent pour montrer que, bon, oui, je suis intégré ici, je connais les sacres des koufars, donc ils les répètent aussi. Ou bien, je sais pas, ça vient automatiquement des fois à force de le dire. Ça, c'est clair que pour les musulmans, c'est pas permis de le dire. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, c'est. Oui, c'est ça, ça. Exactement, exactement. Mais c'est parce qu'en fait, les Québécois, quand ils sacrent, ils ont une façon de le dire, et quand les immigrants le disent, ils ne le disent pas du tout de la même façon. D'accord? Donc, si tu vas dire, par exemple, parce que les Québécois ici, qu'est-ce qu'ils utilisent comme sacre? C'est les termes de l'Église catholique. Donc, l'hostie, ça c'est qu'est-ce que les gens prennent qu'est-ce que le prêtre dit, le corps du Christ. Il croit que dans l'Eucharistie, l'hostie, ils disent que c'est le pain qui se transforme en la chair de Jésus. Donc le prêtre, il le donne à chacun de ceux qui est dans l'Église au moment de la communion, et là, c'est comme s'ils deviennent un seul corps, parce qu'ils mangent le corps de Jésus, tu vois, hein, la chair de Jésus. Donc, je me rappelle même quand j'étais, le vin aussi, le vin c'est le sang. Quand on était petit, nous avait appris ça, justement, même une chanson, ça disait ça, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez. Donc c'est pour ça que les koufars, ils pensent. Moi, je leur ai dit, justement, à cause de ça, je leur ai dit, vous, votre religion, c'est une religion cannibale et de vampirisme, hein. Vous êtes des vampires et des cannibales, parce que vous mangez la chair et le sang, et vous buvez le sang. Mais c'est pour dire, comme ils disent ce mot-là, après ils vont dire le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est quoi, je vous dis? C'est l'autel sur lequel on fait les sacrifices. D'accord? Et donc, même dans le judaïsme, il y a le tabernacle, ils font les sacrifices dessus, quand ils font des offrandes à Dieu. D'accord? Et dans l'Église catholique aussi, ça existe. Il y a le calice. Le calice, c'est le verre dans lequel ils mettent le vin, justement, dans lequel ils disent que ça se transforme en le sang de Jésus. Donc, si tu le dis de la façon, hein, dans la langue française, comment on le dit, c'est pas un juron, c'est pas un sacre. Parce que eux, ils le disent d'une autre façon. Ils ont une autre façon de le prononcer qui fait que c'est là que ça devient un sacre. En fait, c'est en même temps aussi, c'était pour eux, c'est comme pour insulter la religion qu'ils disent ça. Tu vois? Oui, c'est comme pour insulter la religion, pour se moquer de la religion, parce que la religion avait tellement une grande importance que si quelqu'un se permettait d'insulter ou de dire ces mots-là de l'Église, c'était comme une forme d'apostasie en même temps, hein, pour eux, comme une sorte de comme ils appellent quand quelqu'un est excommunié, il devient excommunié, il n'est plus dans l'Église catholique. Donc c'était ça. Et quand tu vois des musulmans qui disent ça, c'est pas correct. Même si tu dis que tu crois pas en nous musulmans, on croit pas en ces choses-là. Mais même si on n'y croit pas, on n'a pas le droit de les dire, parce que même si pour nous c'est pas sacré, ça fait quand même que c'est une imitation des koufars. C'est quand même que c'est une imitation des koufars, et donc on n'a pas le droit. C'est comme si on commençait à mentionner le nom des idoles des hindous ou des autres sectes ou des autres religions, des mouchriquines. Pourquoi on va mentionner le nom de leur divinité? c'est quand j'entends des juifs qui disent Jesus Christ. Quand il y a quelque chose, ils disent Jesus Christ. Hein? Et la même chose pour les chrétiens aussi, ils disent ça. Ah oui, Jesus. Jesus Christ. Ben, c'est comme, ça devient comme une parole comme ça qu'ils disent, comme d'expression là. C'est comme nous, des fois on dit, Subhanallah. Tu vois? Donc Subhanallah, c'est une glorification d'Allah. Tu vois? Oui, c'est ça. Oh my God. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est, une fois j'ai entendu un musulman qui disait ça. Hein? Et c'est un Syrien. Donc quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais subhanallah, t'es musulman, mais comment tu peux dire Jesus? Hein? Tu dis pas ça comme ça. On est musulman, nous. On dit alhamdulillah, on dit subhanallah. Hein? On invoque Allah. On n'invoque pas les prophètes ou les anges ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Oh, exactement. Exactement. Allah musta'an. Nas'alullah al-'afiya. Donc on n'a pas le droit d'imiter ces gens-là et de faire comme eux dans la religion. Donc on va continuer, inshallah, dans la suite. Maintenant le cheikh il change encore un peu de sujet, mais il revient en même temps à un sujet dont on a déjà parlé, mais il va en parler peut-être un petit peu plus différemment cette fois-ci. Il dit قال الله سبحانه شيخ الإسلام ابن تيمية il dit قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقال عن اليهود وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran que ceux qui ont divisé leur religion, il dit ce qui signifie ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Leur cas, leur affaire est auprès d'Allah, c'est-à-dire c'est Allah qui va s'en occuper de leur affaire et il va vous informer de ce qu'ils faisaient. Et c'est le verset 159 dans Surat Al-An'am. Il dit ensuite, on sait très bien que les kuffars, ils se sont divisés dans leur religion et qu'ils sont devenus des sectes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105 dans Surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et il mentionne le verset 4 dans Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont reçu le livre, ils ne se sont divisés qu'après que la preuve claire leur soit parvenue. Il mentionne également le verset 14 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et parmi ceux qui ont dit nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement ou leur pacte, mais ils ont oublié une part de ce qui leur avait été rappelé. Alors, nous avons mis entre eux l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des juifs, et ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la part de ton Seigneur, va augmenter beaucoup d'entre eux en transgression et en mécréance. Et nous avons mis entre eux, ou jeté entre eux, l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Donc le cheikh il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit ici dans l'explication de ces versets, ومن النوع التشبه المذموم بالكفار التشبه بهم في تفرقهم واختلافهم لا سيما بعد أن جاءت الرسل وأنزلت عليهم الكتب لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدة وإن اختلفت شرائع الأنبياء في الأحكام العملية فإن مؤداها واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها ثم ينسخ ذلك بالبديل الذي يصلح لأهل الوقت الذي هم فيه إلى أن جاء الإسلام فصار صالحا لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة فإن شريعة الإسلام لا تنسخ فهي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh il dit, et parmi les formes de ressemblance blâmable au kuffar, il y a la ressemblance au kuffar dans la division et dans la divergence, et en particulier après que les messagers soient venus et que les livres aient été révélés, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et il a fait descendre les livres pour que ce soit pour que les hommes soient sur une seule et unique croyance, une seule et unique aqida. Et même si les différentes lois entre les prophètes ne sont pas les mêmes dans l'application, il y a des charias différentes d'un prophète à l'autre, mais en ce qui concerne le centre et le cœur de la religion, la base de la religion, c'est toujours le même message, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, sans partenaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a légiféré pour chaque nation ce qui convenait à son époque. Puis par la suite, il la faisait abroger par une alternative. Donc ici le cheikh il dit que chaque nation avait, Allah leur légiférait à chaque nation, Allah a légiféré ce qu'il convenait à son époque, à l'époque de cette révélation là puis par la suite c'était abrogé par un intermédiaire, une alternative ou un substitut qui convenait aux gens de cette époque-là par la suite. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc à chaque peuple, il y avait un messager qui venait avec des règles qui correspondaient à l'époque en question. Puis il dit ensuite, la charia de l'islam, elle est venue par la suite et elle est valable pour toute époque et pour tout endroit jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier. Donc la charia d'Allah, la charia de l'islam, elle ne peut pas être abrogée. La charia de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, elle ne peut pas être abrogée par une autre. Elle va être toujours permanente et elle va rester jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Il dit ensuite le cheikh, فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وتوحيده وأن يعملوا بكتابه الذي أنزله عليهم في ذلك الوقت. أما القرآن فإن العمل به مستمر من يوم أنزله الله إلى أن تقوم الساعة. فإذا تمسك الناس بالقرآن والسنة وعملوا بهما فإن ذلك يكون مانعا لهم من التفرق وإنما التفرق يحصل باتباع الأهواء والتعصب باتباع الأهواء والتعصب للآراء واتباع الشهوات والرغبات فإذا اعتمد الناس على الكتاب والسنة حصل الاجتماع. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il veut que ses serviteurs se réunissent et soient unis sur le tawhid, hein, sur le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, et qu'ils agissent selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé à l'époque où il a été révélé pour les prophètes précédents. Quand il y a un prophète qui est venu avant l'islam, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il devait suivre le livre qui avait été révélé pour leur époque. En ce qui concerne le Coran, eh bien, c'est quelque chose qui reste et qui est permanent. L'application du Coran, c'est quelque chose qui reste jusqu'à, depuis qu'il a été révélé jusqu'à l'heure du jugement dernier. C'est-à-dire que le Coran, il est valable et applicable jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas abrogé. Il n'y a pas un autre prophète qui va venir pour abroger le message qui était révélé par, qui était révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, lorsque les gens s'accrochent au Coran et à la Sunnah et qu'ils l'appliquent, qu'ils appliquent le Coran et la Sunnah, eh bien ça va les empêcher de se diviser. Parce qu'il dit, le cheikh, il dit que la division se produit uniquement lorsqu'on suit nos passions et lorsqu'on s'accroche fanatiquement à nos opinions et qu'on suit nos désirs, hein, nos désirs. Et il dit que lorsque les gens se basent sur le Coran et sur la Sunna, c'est là que les gens s'unissent. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من المتفرقين في دينهم لأن الدين ليس محلا للتفرق وإنما هو دين واحد قال الله قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والمسلمون أمة واحدة وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Et il dit également ce qui signifie dans le verset 105 dans Surat Al-Imran « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que l'épreuve claire leur soit venue. » Et dans le verset 159 dans Surat Al-An'am, on l'a mentionné tout à l'heure, « Et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec elles, hein, tu n'as rien à voir avec cela, et leur affaire reviendra à Allah. » C'est-à-dire c'est Allah qui va s'occuper d'eux. Et il dit ensuite, « Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager de ceux qui se sont divisés dans la religion. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue, hein, de ceux qui se divisent dans la religion. Il n'a rien à voir avec eux. Et il dit, parce que la religion n'est pas quelque chose qui permet ou qui accepte de la division. C'est une religion unique, une seule et unique religion. Et il dit dans Surat Shura, le verset 13, que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour vous comme religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce qu'il a révélé sur toi et ce qu'on a également enjoint à Abraham, à Moïse et à Isa. Donc il a dit ce qu'on a enjoint à Noé et ce qu'on a révélé sur toi au Mohammed et ce qu'on a enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, à Isa. D'établir, c'est-à-dire, c'est quoi ce message qui a été légiféré, c'est quoi qui a été enjoint à ces prophètes-là, d'établir la religion d'Allah, hein, le tawhid, et de ne pas se diviser au sujet de la religion. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Et il dit, les musulmans sont une seule nation, tous les musulmans sont une seule nation, dans le verset 92, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit, votre nation, hein, que voici, n'est qu'une seule et unique nation. Hein? Votre nation que voici, votre umma, n'est qu'une seule et unique umma. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Hein? Et il dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان وقال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد فالمسلمون جسد ونسيج واحد إن أصيب جزء من هذا النسيج تأثر الكل وإذا تفرقت الأمة حصلت العداوة وسفكت الدماء ودب الضعف في الأمة بخلاف الاجتماع فإن فيه القوة والعزة فكما أننا منهيون أن نتشبه بالكفار في كلامهم ولباسهم وعاداتهم الخاصة بهم فكذلك نحن منهيون أن نتشبه بهم في التفرق في الدين. Donc le cheikh il dit, les croyants donc sont comme un seul corps. Et également il dit que les croyants, leur exemple, l'exemple de l'amour et de l'affection, hein, et de la miséricorde que les croyants ressentent les uns pour les autres, c'est comparable à un seul corps. Hein. Et la suite du hadith, ça dit, si un des membres du corps souffre, eh bien, tout le reste du corps, hein, passe la nuit, hein, sans dormir et ressent la fièvre, hein, de cette douleur. Et donc, les musulmans sont comme un seul corps. Hein, une seule construction. Si une partie est frappée ou touchée par un mal, tout le reste est affecté. Et il dit que la umma, si elle se divise, eh bien c'est là que se produit de l'animosité et que le sang des gens se met à couler et que la faiblesse se propage dans la umma à cause de ça. Tandis que quand les musulmans sont unis, c'est là qu'ils deviennent forts, c'est là qu'ils deviennent puissants. Hein? Et on voit que dans les pays musulmans, tous les efforts sont faits pour diviser les musulmans, de toutes les façons. Et même dans les pays non musulmans, on veut tout faire aussi pour diviser les musulmans aussi, ou pour empêcher que les musulmans s'unissent autour de leur religion et de leur croyance. Hein? Même que j'écoutais certains koufars qui parlaient par rapport à la France, qui disaient que en France, ils n'acceptent pas qu'est-ce qu'ils appellent le communautarisme. Et d'après ce que j'ai compris dans qu'est-ce qui est mentionné au sujet du communautarisme, c'est que pour eux, le peuple français doit être un seul et unique peuple, et qu'il n'y a rien qui peut ou qui devrait le diviser. Hein? Donc, en voulant dire que pour eux, la fraternité en France, la fraternité doit être basée sur la citoyenneté française, et l'unité doit être basée sur la citoyenneté française, pas sur la religion, pas sur la langue, pas sur l'origine, pas sur la couleur, pas sur la race, pas sur des choses comme ça. Donc sur la race, sur l'origine, sur la langue, on est d'accord, mais sur la religion, on n'est pas d'accord, parce que la seule fraternité qui est valable et qui est acceptable en islam, c'est la fraternité qui est basée sur le tawhid et sur la foi en l'islam. Toute autre fraternité est fausse, est batila, hein? Et elle va être une animosité, une haine au jour de la résurrection. Tous ceux qui se sont aimés pour autre que Allah, pour autre que la vérité, vont devenir des ennemis, tôt ou tard. Mais si c'est une question de s'unir et d'être frère, ça c'est la croyance des koufars, de s'unir sur le faux, sur la citoyenneté, sur la nationalité, sur la couleur, sur la langue, sur l'origine, sur le territoire. On est né à telle place, donc on doit être frère. Non, on est frère uniquement si on est musulman. On est frère uniquement si on est sur le tawhid. On est frère uniquement si on s'accroche à l'islam. Hein? Mais sinon, on est des ennemis. Non. Donc, ça, c'est un principe très important. Et c'est pour ça que eux, les koufars, dans les pays non musulmans, dans leur pays, ils ne veulent pas que les musulmans s'unissent sur le tawhid et sur l'islam, pour que ça crée dans leur citoyenneté ou dans leur peuple une division. Toutefois, nous, on est yani, des frères. Et on s'aime en Allah et on aime pour Allah uniquement. Et on s'unit uniquement sur la vérité et non pas sur le faux. Le cheikh, il dit également ensuite qu'on est interdit d'imiter les kuffars dans leurs paroles, dans leur tradition qui est particulière à eux. Hein? Est-ce que j'ai lu ça? Cheikh, il dit فكما أننا منهيون أن نتشبه بالكفار في كلامهم ولباسهم وعاداتهم الخاصة بهم فكذلك نحن منهيون أن نتشبه بهم في التفرق في الدين فالواجب على المسلمين أن ينبذوا خلافاتهم جانبا ويتمسكوا بالكتاب والسنة حتى يعزوا جانب الأمة ويعد الاختلاف في المسائل الفقهية التي يسع فيها الخلاف اختلافا أو التي يسع فيها الخلاف اختلافا مفرقا لأن هذا أمر مطلوب فالبحث عن الحق وإقامة الدليل عليه واجب ولكن علينا جميعا إن اختلفنا في شيء أن نرجع إلى الكتاب والسنة فنعمل بالراجح ونترك المرجوح فضلا عن القول المخالف للدليل. Donc le cheikh il dit que on est interdit de ressembler aux kuffars dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs habillements, dans leur tradition qui leur est particulière, par lesquelles ils sont ils se distinguent. On n'a pas le droit de les imiter là-dedans. Et il dit de la même manière qu'on n'a pas le droit aussi de leur ressembler dans la division qu'ils ont dans leur religion. Et donc l'obligation pour les musulmans, c'est de repousser la division. Hein? Et de s'accrocher au Coran et à la Sunna pour que la Ummah soit encore une fois fière et puissante. Et le cheikh il dit on ne calcule pas les divergences dans les questions de fiqh. Si c'est des questions d'ijtihad, on ne calcule pas ça comme faisant partie des divergences qui ramènent de la division, parce que ça c'est quelque chose qui est exigé de nous, de chercher la vérité et d'établir la preuve pour cette vérité là ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Mais si on diverge dans quoi que ce soit, notre devoir et notre responsabilité, c'est de le ramener au livre d'Allah et de le mettre en application, c'est-à-dire d'appliquer ce qui est rajih, hein, ce qui est plus proche de la vérité, et de laisser ce qui est marjouh, c'est-à-dire ce qui est plus loin de la vérité, lorsqu'il y a une divergence dans ces questions de fiqh. Hein. Et ça, c'est encore plus important de le faire lorsque la parole est en contradiction avec la preuve. Hein, si c'est une parole, une position qui est en contradiction avec la preuve, eh bien dans ce cas-là, c'est encore plus important de délaisser. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Oui, non, c'est ça, dans chaque pays, il y a ces exemples-là, mais ici, il y a des choses particulières aussi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.